Dans un monde où la pauvreté est mise sur le côté, un monde où on chie dans l'eau potable et où on se permet de juger celui ou celle qui donnerait une jambe pour pouvoir y goûter, un monde où la richesse attire et où l'humanité s'envole petit à petit dans une superficialité sans précédent, c'est l'histoire d'un mec bien. Il a 63 ans, a toujours payé ses amendes et respecté son entourage et sa famille. Il a donné plus d'amour qu'il en a reçu, mais il en a rien à branler. Donné en fermant les yeux, il a ça dans le sang. À l'école, il adorait lire, il avait énormément d'amis, n'était pas dans le besoin et rêvait de faire de l'humanitaire. Un succès social énorme pour une époque où passer un coup de fil à un ami relevait d'un parcours du combattant. Il était passionné par Nietzsche, le philosophe allemand. Il se documentait énormément sur le nihilisme et sur l'importance de croire en soi. Il enculait ouvertement tous les dualistes et estimait qu'il n'y avait mal et bien que pour les faibles. La puissance l'obsédait, c'était son opium mental. Performer sur ses bons côtés pour écarter comme des merdes ses autres pensées. Confiance en soi, assurance, force de persuasion, à l'écoute. Une machine de guerre redoutable, un panzer qui carburait à l'éther jour et nuit. Tristesse, soupçon de compassion et mélancolie avaient quitté son esprit. Un jour, il a constaté qu'il était quand même plus prudent de croire en Dieu plutôt que de renier son existence au cas où mon heure arrive plus tôt que prévu. On y est, je suis déiste. Je ne crois pas en les religions, mais je suis conscient de la présence omnisciente d'un être supérieur. Fais du bien, il t'arrivera du bien. Fais du mal, il t'arrivera du mal. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de me dicter comment réagir face à telle ou telle situation. Je sais ce que je fais et personne ne me dictera jamais rien, sauf celle qui m'a donné la vie. Vérité n'est qu'intention et compromis. 40 ans plus tard. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Votre femme est inerte, elle est décédée. Son crabe l'a bouffé jusqu'aux os. Nous sommes désolés. Rien n'était à mon nom. Mauvais calcul. Mon toit c'était toi, mon cœur c'était le tien, et maintenant j'ai plus rien. Aujourd'hui les gens passent en costume devant moi, bien rasés, pendant que mon sac de couchage me sert de cuisine et de salon. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu être roumain. T'en veux une autre? Les grosses veulent garder la ligne pendant que je garde la ligne 9. À côté de ça, le prix des baskets des gosses qui passent devant moi le matin équivaut plus ou moins à ce que j'ai su économiser en 4 ans. Putain de merde. Je crois plus en rien. La confiance en soi et le rejet des croyances des autres n'est rien face à la mort. Rien face à ma vie. C'est trop tard. Mon ego m'a dépassé. Désormais, je crois au bien. Je crois vraiment au mal. De toute façon, qui m'écoute à part toi? Qui pourra confirmer que t'as entendu ce Nat Peno Wild à part toi et le monde que tu t'es imaginé autour de toi? Personne. Je t'ai dit que j'avais arrêté. Tu t'es jamais demandé pourquoi t'étais toujours tout seul quand tu m'écoutais? Si c'est pas le cas, sois sûr que la personne à côté de toi le sait. T'as trop d'imagination. Prends soin de toi.